Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Chanson. C'est la nôtre, Mathieu. Un poulet. Un poulet. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, dindon. Mais une fois, j'ai été au zoo, puis en fait, l'éléphant, il vendait des toiles, là. Il mettait un pinceau. C'était l'éléphant qui vendait, en plus. Mais non, mais c'est pas l'éléphant qui vendait, là. Non, mais c'est un monsieur qui ressemblait étrangement à un aîné. Ça, c'est une autre histoire. Hey, parlant de dindon, plus tard dans l'émission, on se voit. Roxane va venir nous parler de son émission et de sa collègue baroblique co-animatrice. Mamiche. Marie-Miel. Marie-Miel. Mamiche et Marie-Miel. Et Roxane Gagnon se la joue. Ouais, se la joue. On s'appelle de son nom de famille. Oui, juste au retour, il va y avoir Audrey Tremblay avec le tour de l'actualité du Zone Campus. Regarde, je la vois, elle est juste là, là. Oui. Je pourrais quasiment la toucher, mais je peux pas. Non, je peux pas non, la toucher. Pas le bras salon. Mais je sais qu'elle est là, bye. Et vous, les requins? Vous, les requins? Les requins aussi, il faut pas les oublier, les requins et les hermaphroquins. Oh! Aussi, j'imagine. Ça se dit-tu? Non. On sait pas. Tu cours partout, tu t'enlèves ta non, chemise. Non, non, Mathieu. Tu fais comme... Là, tu cours partout, c'est fatigant, tu m'énerves. Ça pour dire... Tu m'énerves un peu. Bonne idée, là! François Olivier, t'es un génie, souvent, c'est ça qui sort du lot. Là. C'est pas mal ça, ils disent ça, ils ont tort parce que c'est clairement pas ça. Mais ouais, ils disent ça. Conditions actuelles, il fait 18 degrés présentement. Ah, oh oui, oh oui. C'est vrai que j'ai chaud hein, tout d'un coup comme ça. Mais je pensais que c'était moi qui. Ben, faut dire que t'as une veste de pas mal épaisse. Non, mais je pense. Ouais, ouais, non, c'est ça, mais je pensais que c'est moi qui te rendais inconfortable au niveau de la température corporelle. Bref, on en revient ça un peu. Ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. Ça dépend de plein d'affaires. Et vous êtes les requins! Les requins et les requines. Est-ce que ça crie? Ça crie pas vraiment un requin hein, en y pensant. Non. Ça fait le bruit d'un chat. C'est un chacun. C'est un chacun. Un chacun. Mon taquin. Qu'est-ce que t'as à marmonner, là, Caroline? Ça va pas? Encore tes histoires de saucisses, là? Ben, dites-moi, ça a l'air bizarre, là, mais. Dites-moi, hors contexte, ça a l'air bizarre, mais. Ouais. Je vais te vendre des hot dogs si tu veux débourser pour aider ces fous. J'ai déboursé pour des années avec mes hot dogs. T'as coûté combien en tout, Yann? 44. Non, en tout. 100$. Ouais, 100$. Ben, le gaz inclus, là. Ah, ok. Pour voir les Canadiens perdre. Oh, wow. On dirait quasiment un auto qui passe devant un micro, ça. Un auto? Ouais. Un auto. Qu'est-ce qu'il imitait? Ben, je sais pas. Non? Ah, oh, Mathieu. C'est plus efficace, ça? Non, non, non, non. C'est vraiment déplaisant, ça. OK. Excuse-toi. Ben, je m'excuse. OK. Tes excuses sont acceptées. Bon. Fait que, est-ce que t'as envie d'entendre parler de choses véridiques, véritables et vérifiables? Non, pas pour l'instant. Ça donne mal parce que c'est la chronique, c'est un fait. Salut, François Olivier. Olivier. Marchand. C'est comme Buddy Holly, mais François Holly. Holly. Olivier. Holy shit. Ça, c'est fou. On laisse la liberté aux gens. Et voilà. C'est bien dit, ça. J'adore ça. Pas de baillon. Pas de baillon. Il y a des baillements, mais il n'y a pas de baillons.